Le panier de fruits de Contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Le panier de fruits. À Eugène Tavernier. Je portais un panier plein de mes plus beaux fruits, des raisins que j'adore et des poires que j'aime. Mes plus chers espaliers, mes plus riches produits, je les avais choisis et récoltés moi-même. La personne chez qui je portais ce cadeau, c'était, si vous voulez, mon oncle ou bien ma tante. Et, tout en soulevant mon précieux fardeau, je disais « qu'on sera content ou bien contente ». Le colis pouvait être un peu lourd, mais enfin, tout alla bien pendant 5 minutes peut-être. 5 minutes après, je songeais à la fin de la route et j'étais au premier kilomètre. Alors je commençais les changements de main. Les haltes, j'essuyais mon front brûlant et morne. Je m'arrêtais 20 fois et repris mon chemin. Enfin, je me laissais tomber sur une borne. Sur cette borne assis, je me mis à penser. Qu'on ne sait pas assez à quel point on s'engage. Que les plus doux fardeaux finissent par lasser. Et puis cela me fit songer au mariage. Et je réfléchissais. Si dès le premier jour, un poids si doux au cœur déjà me terrifie, qu'est-ce donc que l'hymen, et même que l'amour? S'ils doivent tous les deux durer toute la vie. Fin de Le panier de fruits, enregistré par Stéphanie.